I'm losing control. No power, no control. Jamais on sera connu, car toute ma scène barrière. Un jour nous fatiguerons, un jour elle nous aura. La force est grande là, la musique de l'an, nos paroles en choc. La jeunesse est l'avenir, alors écarte-vous. Et si on se casse la gueule, ce sera tant pis pour nous.